5, où l'on démontre comment les deux épis rouges étaient pourtant un présage. Ce fut vers l'année 1826 que Jamie recommença son long voyage pour retourner vers ceux qu'elle avait fui naguère. Elle retrouva le même courage inflexible pour aborder les colons avancés établis dans la partie nord-ouest des États-Unis, état actuel d'Ohio. Elle leur demanda l'hospitalité sans solliciter une compassion superflue. Lorsqu'elle eut dépassé les dernières habitations, elle eut de nouveau recours aux papaux, aux raisins et aux châtaignes sauvages, et acheva ainsi sa course de 400 milles jusqu'aux sources du Grand Miami, où 2 mois après sa fuite, elle se présenta avec aussi peu de trouble et de crainte que si elle rentrait d'une visite du matin. Jamais le quartier général des Esquos n'avait retenti de si grands cris d'allégresse que lorsque Jamie entra dans la cabane de la mère de Tomahawk. Toute la population des Wigwams était en mouvement. Tomahawk ne se possédait plus de joie. Il avait été son admirateur fidèle pendant 5 années entières, et ce qui n'est pas peu de chose de la part d'un sauvage, durant tout ce temps, il n'avait pas osé prendre la moindre liberté avec elle. Elle ne s'était pas acquis une légère influence sur ce petit peuple. Elle était l'institutrice des femmes, le tailleur et la cuisinière des hommes, le factotum de tous. Et si les derniers, les hommes, ne ressemblaient plus à des orang-outans, c'était son ouvrage à elle. Tomahawk sautait et dansait de bonheur. « Homme blanc pas bon, disait-il. Homme rouge bon, s'écriait-il. » Et sa mère et tous les hommes s'unissaient à ses transports de joie. Cependant, malgré la résolution ferme que Jamie avait prise, sa prudence ne lui permettait pas de donner trop beau jeu au sauvage amoureux. Non, elle réfléchit longtemps avant de lui permettre seulement l'espoir le plus éloigné. Depuis 20 jours déjà, elle le tenait renfermé auprès de la mère de Tomahawk, et pendant ce temps, il n'avait pu la voir que 2 fois. Enfin, le matin du 21e jour, il fut mandé auprès de la souveraine de son cœur. Il s'y rendit peut-être plus bizarrement accoutré encore que lors de sa première demande, et en balbutiant, il lui exprima de nouveau ses vœux. Jamie l'écouta avec le sérieux d'un juge d'appel. Quand il eut terminé, elle lui montra silencieusement la table sur laquelle était étalé un habillement américain complet. Tomahawk retourna à sa cabane en poussant des cris de joie, et une demi-heure après, il parut un autre homme devant sa maîtresse. Il n'avait vraiment pas si mauvaise mine. C'était un garçon bien fait, d'une taille élancée. Toffel n'était rien en comparaison. De plus, c'était le chef de plusieurs centaines de familles, et l'on ne pouvait voir en lui un mari si fort à dédaigner. Elle voulut bien alors tendre la main. Il s'agissait encore d'une autre épreuve. 2 chevaux amenés par ordre de Madame Mère se trouvaient à la porte. Jamie ordonna à Tomahawk de les sceller. Il obéit tout de suite en silence. Elle monta sur l'un en lui faisant signe d'en faire autant et de la suivre. Le chef sauvage était surpris. Il la regarda fixement, mais suivit néanmoins sa maîtresse, qui, quittant le canton de Wigwam, dirigea leur course vers le sud. Plusieurs fois, il se hasarda à lui demander où ils allaient, mais elle lui répondit par un geste montrant d'un air significatif le lointain, et il se taisait et suivait. La paix s'était rétablie entre les Indiens et les colons pendant la captivité de Jamie, et le dernier voyage de celle-ci lui avait été utile à quelque chose. Elle avait appris qu'une colonie américaine s'était formée, dans la direction du sud, à environ 40 000 de distance des sources du Miami, et c'est sur cette nouvelle colonie qu'elle se dirigeait en ce moment. Dès qu'elle y fut arrivée, elle s'informa du juge de paix. Le squire ne fut pas peu surpris quand il vit tout à coup entrer chez lui une jeune et jolie femme. Jamie avait repris sa bonne mine pendant sa retraite de 20 jours, et un jeune et beau sauvage, habillé comme un gentleman. Du reste, Jamie ne lui laissa guère le temps de se livrer à son étonnement. Mais, se tournant sans long détour vers son compagnon, elle lui dit « Tomahawk, pendant les 5 années de notre connaissance, je t'ai vu donner tant de preuves de bon sens que j'ai tout lieu d'espérer de faire de toi un mari, et j'ai donc résolu de te prendre pour tel. » Tomahawk ne savait s'il veillait ou non, et il en était de même du square. Mais la demande formelle que lui adressa Jamie de la marier, elle, Jamie, au Dougherty avec Tomahawk, le chef de la peuplade d'Esquot, et 10 dollars reluisants qu'elle joignit à cette demande, firent cesser tous les doutes du juge de paix, et prononçant sur eux la formule matrimoniale, il unit leurs mains. La chose était finie, le pauvre sauvage ne comprenait point encore ce que signifiait cette cérémonie. Mais quand Jamie lui prit la main, il lui fit connaître qu'elle était maintenant sa femme et lui son mari, et il était comme tombé des nues. Le lendemain, Tomahawk et sa femme s'en retournèrent chez eux, et à partir de leur retour, commencèrent aussi les mois de miel du nouvel époux. Or, Mistress Tomahawk fut à peine installée dans sa nouvelle habitation qu'elle vint à reconnaître que cette misérable cabane était beaucoup trop étroite pour eux deux, et de plus trop malpropre, et dans le fait cette cabane était plutôt à comparer à l'antre d'un ours qu'à une habitation humaine. Thomas Hawk et ceux dont il disposait avaient donc maintenant des arbres à abattre, travail auquel les gens de Thomas Hawk ne se soumirent que contre de certains honoraires en bouteilles de whisky, dont Jamie avait fait provision au chef-lieu de la colonie. Elle avait en outre attiré quelques-uns de ses compatriotes, qui aidèrent à la construction de la maison neuve. Thomas Hawk, à la vérité, sauta encore quand il lui fallut pendant 15 jours manier la hache. Seulement ce n'était plus de joie. Il fit même la grimace. Mais ni saut, ni grimace, ni pur. Il fallut s'exécuter. Au bout de 4 semaines, il se vit couché dans une habitation commode, aussi commode que celle de Toffel. Thomas Hawk eut alors du repos pendant 4 semaines entières. Mais le printemps s'annonçait. Le champ consacré à la culture de blé était évidemment trop petit. Il était même dépourvu de haies, et les chevaux, ainsi que les porcs, y venaient dévorer les jeunes tiges longtemps avant qu'elles eussent seulement formé leurs épis. Les choses ne pouvaient pas rester en cet état, et il fallait donc que la sauvage moitié de Mistress Thomas Hawk abattit encore quelques milliers d'arbres, et qu'il fit des haies autour d'une demi-douzaine de champs. Cette besogne faite, Thomas Hawk eut encore 2 semaines de repos. Cependant, de temps immémorial, on avait bien malmené les choses quant aux peaux de renards, de cerfs, de castors et d'ours. Thomas Hawk avait une grande réputation comme chasseur, mais le fruit de plusieurs semaines de chasse, il n'est pas rare qu'il le donnât pour quelques gallons de whisky. À l'instar de beaucoup de ses frères rouges, son côté faible était le plaisir qu'il trouvait à prendre une et même un grand nombre de gorgées de whisky, quand l'occasion se présentait. Toutefois, il éprouvait à cet égard une telle crainte de sa compagne qu'adroitement il cachait les bouteilles d'eau-de-vie dans des creux d'arbres. Mais Mistress Thomas Hawk eut bientôt découvert la fraude. Et afin de mettre dorénavant Thomas Hawk à l'abri de toute tentation, elle décida qu'à l'avenir, toutes les peaux seraient apportées au camp et mises à sa disposition. Elle se chargea alors du commerce de pelleterie. Bien peu de temps après, plusieurs vaches paissaient sur les bords du Miami, et Thomas Hawk goûta pour la première fois du café et des gâteaux de farine de maïs. Mais les choses allèrent de pire en pire. Un jeune Tamaho vit la lumière du monde, et les vieux squaws ne tardèrent pas à se présenter chez sa mère, les mains remplies de fumier et de graisse d'ours, pour admettre solennellement le nouveau chef de la peuplade dans la communauté religieuse et politique. Mais Jamie leur montra un visage renfrogné, et quand elle vit que cela ne suffisait pas, elle se saisit si résolument de son sceptre, c'est-à-dire d'un grand balai, que jeunes et vieux se sauvèrent à toutes jambes, se croyant poursuivis du malin esprit. Lorsqu'elle fut rétablie de ses couches, elle ordonna encore à Thomas Hawk d'apprêter 2 chevaux. Cette fois-ci encore, leur course se dirigea vers la colonie. Mais ils abordèrent non à la maison du juge de paix, mais à celle du curé. Thomas Hawk accédait à tout tranquillement. Mais lorsqu'il vit le curé répandre de l'eau sur son fils, la patience lui échappa. Il entra dans une sorte de fureur et appela Mistress Thomas Hawk sorcière, mauvais génie, médecin, terme très fort chez les peaux rouges. Jamie, sans perdre une parole, fronça les sourcils, releva son nez, et le jeune Thomas Hawk fut baptisé comme d'autres enfants chrétiens. Le voyageur que son chemin conduira dans la direction du nord, à travers la bruyère située entre Columbus et Dayton, remarquera au-dessous et tout près des sources du Miami une grande habitation, construite en madrier, flanquée de granges et d'écuries, environnée de superbes champs de maïs et de prairies, sur lesquels paissent de magnifiques vaches, des chevaux et des poulains, sans compter les vergers remplis d'arbres fruitiers. Autour de la maison, on voit flotter une demi-douzaine de jeunes garçons et de jeunes filles, d'un teint rouge clair, et vêtus comme s'ils sortaient du magasin de Stubbles à Philadelphie. Le dimanche, ils lisent la Bible, ou scellent leurs chevaux pour aller accompagner Mistress Thomas Hawk à l'église. Ils lisent et expliquent les gazettes au chef de la tribu, qui s'accommode parfaitement de sa nouvelle existence, et se demande avec orgueil s'il fera de ses fils aînés des docteurs ou des avocats. 2 fois l'année, Mistress Thomas Hawk se rend à Cincinnati sur une voiture à 6 chevaux, qui, chargée de beurre, de sucre d'érable, de farine et de fruits, forme un cortège aussi pompeux que celui d'un gouverneur. 2 de ses fils à cheval lui servent toujours d'avant-coureur, et elle est autant devenue l'effroi de tous les inspecteurs des marchés qu'elle s'est rendue l'oracle et la favorite de toutes les femmes et de tous les hommes.